pour caricaturer, c'est des Gunters qui boivent de la bière et mangent de la choucroute. Eh bien, eux, ils peuvent avoir la T'as nationalité déjà mangé de marocaine. la choucroute? Non, Ben ouais. vraiment, est-ce que t'as déjà mangé? Alors, j'ai coupé tout le monde. Je voudrais savoir. Non, Il y a des parce que là, Hans, il est Non, en train non. de Non, dénigrer non. le plat Non, mais. national de ton pays. Alors, C'est pas je ça. vais me poser la question, est-ce qu'il en a Non, déjà non. mangé? J'ai posté un lien au-dessus. Ceux qui veulent commander des mètres carrés de pizza, Ouais, marhaba. elle est belée. Oh, je le suis, le gars sur TikTok. Choupo, flasha, Alors, Lyon Lioma. d'Atlas, t'en as Non, mangé de la attends. choucroute ou pas? Choupo, flasha, Lioma, tu peux commander 10 mètres carrés pour la famille. C'est moi qui régale. C'est du 80 sur 150. On laisse le frère Lyon de la place continuer, les frères, s'il vous plaît. Oui, C'est mais la folie Lyon de la j'ai place. posé une question. J'ai dit, est-ce que tu as déjà mangé de la choucroute? Moi, je dois me confesser. J'étais tombé amoureux d'une Algérienne jusqu'à ce qu'elle me prépare une pizza à la mayonnaise. Ce jour-là, je l'ai quittée et depuis, je suis devenu un mouriche. Voilà. Voilà, t'es allé jusqu'à la pizza pour comprendre la vie. Base le clan. Franchement, si Tu c'est es ça. resté hospitalisé combien de fois? Une fois, hein, j'ai compris dès la première fois, t'inquiète, j'ai pas eu besoin d'une deuxième dose. T'avais aussi le ketchup dessus? Ouais, ketchup à la place de la sauce tomate aussi. Là, j'ai rien compris. Non, t'as pas compris. Le ketchup, il est sur la sauce tomate. Déjà, tu connais pas les Ah règles. oui, c'est vrai, C'est c'est vrai. bon. Tu connais Hans Zubnin? Hein, c'est bon, tu connais ou pas? C'est un sandwich casablancais. Si tu le manges, tu es immunisé contre toutes les bactéries qui existent sur Terre. Donc tu peux passer le test de pizza coffre, sauce piston.